But somewhere only we know. Somewhere, avec mon super anglais, moi je suis nul en anglais, je m'en fous. Somewhere only we know. Je suis nul, mais j'assume. Somewhere, attends, comment je peux te le copier? Je sais pas si c'est comme ça, non pas. Oh putain, j'arrive pas. Bon, bah je vais l'écrire direct. Voilà. Et après, tu peux faire Elton John. Alors attention, là c'est une tonalité que des fois je peux me foutre en l'air. Mais attendez, il m'en manque une partie là, ça y est. Que vous voulez, je vais m'adapter, je vais essayer. Là, c'est trop aigu pour moi. Fais comme tu le sens. Enfin, non, faut que je m'adapte aussi. La dernière fois que tu l'avais fait, c'était nickel. En fait, c'est le refrain qui. If you are the minute, why don't we? L'original, je dois peut-être y arriver si tu fais la tonalité originale. Non, ça se prononce pas comme ça, monsieur. Bon, moi, je suis prêt. Attends, la tonalité... Je sais pas, qu'est-ce que c'est d'origine. Je l'ai pas en MP3. En fait, si on fait le refrain trop aigu, je vais me massacrer, mais...